LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 3, l'artiste engagé. Someday when they're grown up and playing jazz music, my wife and I said, people, reporters will say, where did you first appear in public? And they'll have to say Poland. Satine Poland. C'est l'histoire d'un pianiste qui aime son métier et sa patrie. En 1958, Dave Brubeck et son quartet entament une tournée en Europe de l'Est et au Moyen-Orient au profit de la politique étrangère américaine. Si Sputnik, le premier satellite à voler dans l'espace extraterrestre, permet à l'Union soviétique de gagner une première manche du concours de popularité des prouesses de la guerre froide, les États-Unis déploient des efforts considérables pour faire la promotion de l'American Way of Life dans l'art et la culture. Des livres pour enfants à la réinvention d'un art abstrait plus efficace qu'un lance-missile implanté sur les côtes cubaines. Mais c'est le jazz qui incarne une des armes les plus redoutables au cours de la guerre froide. Dave Brubeck, dans le New York Times, 15 juin 1958. Le jazz, qui est la seule forme artistique véritablement américaine, est accueilli, et non simplement accepté sans réserve, partout à travers le monde. Il est compris comme l'incarnation la plus authentique de la culture américaine. On attend aujourd'hui le jazz à l'étranger plus que jamais auparavant. Je suis encore plus touché par le fait que, de temps en temps, le jazz voyage à l'étranger sous des auspices officiels, comme cela a été le cas d'une très grande partie de notre tournée. Je n'aime pas utiliser le terme propagande pour parler du jazz, bien que ce soit le plus efficace pour expliquer sa valeur. Mais n'oublions pas, et cela ne peut pas être une simple coïncidence, le jazz a toujours accompagné la liberté. Alors on est en 1958. Pauline Perretz est historienne, spécialiste des représentations états-uniennes et soviétiques au cours de la guerre froide. C'est un moment très chargé pour l'histoire raciale des États-Unis. Hein. 1954, c'est l'arrêté de la Cour suprême qui oblige à la déségrégation des écoles. 1957, c'est le fameux épisode de Little Rock, pendant lequel les suprématistes blancs empêchent des jeunes noirs d'entrer au lycée de Little Rock. Et cet épisode fait la une des journaux communistes dans le monde pour la propagande soviétique. C'est la preuve du racisme de l'Amérique, c'est la preuve que l'Amérique tient un langage de double standard, qu'elle prône l'égalité des peuples, l'égalité des hommes, mais que chez elle, elle sait pas faire et qu'il y a deux types d'hommes, les blancs et les noirs, minorités opprimées. Cold empty bed, springs on his leg, feel like old Ned, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Et donc, l'idée du département d'État... Ludovic Tournès est historien, spécialiste de l'histoire du jazz et des relations culturelles internationales. C'est d'utiliser le jazz, qui est une musique largement afro-américaine, pour dire, bah voilà, alors oui, il y a de la discrimination et la ségrégation, mais on fait des efforts, et le gouvernement américain peut valoriser une forme culturelle qui est largement représentée par les afro-américains, et donc l'utiliser comme porte-étendard de l'ensemble de la culture américaine. D'autant plus que le jazz est assez idéal pour ça, si je puis dire, parce que... Jazz guarantees each musician absolute freedom. Within a framework of cooperation. Il y a tout un discours qui se développe à ce moment-là, selon lequel le jazz serait une musique typiquement démocratique, puisque les petits ensembles de jazz de 5 ou 6 musiciens jouent des thèmes dans lesquels chacun des instrumentistes improvise l'un après l'autre. Et donc, le petit ensemble de jazz est une espèce de condensé de la démocratie où chacun prend la parole. Voilà. Alors, on peut penser de ce qu'on veut de ce discours, mais en tout cas, il est manié comme symbolique et pour montrer que le jazz est non seulement une musique originale, mais que, quelque part, elle symbolise aussi ce qui est un des éléments du modèle américain, qui est la démocratie versus le communisme. Who's the real ambassador? It is evident we represent American society, noted for its etiquette, its manners and sobriety. We have followed protocol with absolute propriety. We're Yankees to the core. We're the real ambassadors, though we may appear as force. We are diplomats in a proper hast. Our dirty guns habitual, along with all the ritual, the diplomatical. Et puis, c'est un type de musique qui tient beaucoup à l'improvisation. Pauline Peretz. Improvisation, mais également règles standards. Donc on se met d'accord, et c'est ce qu'explique très bien Brubeck, et pour lui c'est le signe de l'incarnation démocratique de cette musique, qu'on se met d'accord sur les règles, et ensuite on joue avec les règles, et en même temps il y a la part pour chacun. Alors Brubeck, il est le troisième jazzman à répondre positivement à cette demande du State Department. Les deux premiers à partir, c'est Dizzy Gillespie, qui fait une tournée en Europe et en Asie, si je me souviens bien. Et puis après, Armstrong, qu'on envoie en Afrique. Mais les choses se compliquent parce que au moment où le séjour s'organise, les événements de Little Rock ont lieu. Et Armstrong dit, moi, il est hors de question que je me fasse l'ambassadeur, parce que c'est vraiment le rôle qu'on attend d'eux, l'ambassadeur de cette Amérique raciste. Et donc, l'épisode se termine mal. Et troisième jazzman, c'est donc un blanc qu'on va chercher, un blanc qui joue une musique qui est relativement calme, harmonieuse, et qui peut parler à beaucoup de monde. Derrière l'organisation de ces tournées musicales de guerre froide, le département d'État du gouvernement des États-Unis. Alors, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain. Ludovic Tournès. Voilà. Donc, il est en compétition avec le département de la Défense, qui, pendant la guerre froide, prend de plus en plus de place, mais, disons, basiquement, c'est celui qui s'occupe de la diplomatie. Aussi, donc, de la diplomatie culturelle, qui explose, en fait, pendant la guerre froide, dans la mesure où, comme on est dans une guerre de type idéologique et culturel, finalement, les États-Unis mobilisent toute une série d'instruments pour faire la promotion du modèle américain, et en particulier la culture. Alors, il y a les tournées organisées par le département d'État pour des musiciens de jazz, mais il y a aussi tout le financement des centres culturels américains un petit peu partout dans le monde. Il y en a plus d'une centaine à la fin des années 50, début des années 60. Le département d'État finance aussi des traductions d'ouvrages. Donc voilà, la diplomatie culturelle américaine, elle est extrêmement vaste. J'ajoute que, de son côté, l'URSS fait exactement la même chose. Hein. Si vous considérez les chœurs de l'armée rouge, par exemple, ce sont un élément absolument important de la diplomatie culturelle soviétique. Donc chacune des superpuissances a dans sa besace toute une série d'initiatives en matière de diplomatie culturelle pour faire la promotion de son modèle au-delà de l'aspect purement diplomatique et purement militaire. Le département d'État établit les itinéraires des tournées de ces stars du jazz avec minutie, aux endroits de la planète où les relations diplomatiques se compliquent, ou encore là où ces négociations stratégiques et commerciales s'avèrent délicates. Alors que Brubeck joue en Irak, l'administration américaine défend en coulisses ses intérêts sur le marché du pétrole. Quelques années plus tard, en 1960, Louis Armstrong donne une série de concerts au Ghana et au Nigeria. C'est Pepsi-Cola qui finance les deux premières semaines de la tournée, tandis que le département d'État prend en charge les 9 semaines suivantes. Un billet pour voir Armstrong sur scène à Lagos coûte alors 2 shillings et 5 capsules de bouteilles de cette boisson typiquement américaine. Des affiches clament fièrement « You like Satchmo ? Pepsi brings you Satchmo. Therefore, you like Pepsi. » Et Satchmo, bien sûr, c'est Louis Armstrong. Le département d'État s'intéresse à ce qu'on a appelé donc les fronts de la guerre froide, c'est-à-dire que Ludovic Tournès. Il n'organise pas de tournées dans les pays où le jazz est déjà commercialement viable et où il y a tout un circuit qui existe, en particulier en Europe de l'Ouest, ou que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, il y a déjà des milieux jazzistiques, il y a une scène et donc organiser une tournée dans ces pays-là, c'est rentable commercialement, donc je dirais les impresarios privés s'en occupent. Dans des pays comme le Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces pays-là où d'abord la scène jazz n'est pas constituée, donc ça coûte cher d'organiser des tournées et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est la puissance publique qui intervient parce que son souci n'est pas le souci de rentabilité, en tout cas c'est pas le souci premier. Ça c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que ce sont donc des fronts de la guerre froide où finalement l'image des États-Unis est beaucoup moins bonne que dans les pays d'Europe occidentale qui sont alliés naturels entre guillemets des États-Unis dans la guerre froide. Et donc ce sont ces zones-là que le département d'État vise. Pour le State Department, Brubeck, il avait un autre avantage, c'est qu'en quelque sorte c'était quelqu'un qui pouvait intellectualiser le jazz. Pauline Peretz. parce que il a su ramener à la fois de la musique, mais aussi un article, et qui peut faire office de propagande. Un article qu'il a écrit avec un journaliste, mais il a su monter en généralité pour montrer que ce jazz, c'était l'incarnation de la promesse démocratique américaine. Dave Brubeck est un des musiciens blancs qui engage des musiciens noirs. Ludovic Tournès. Ça commence à être plus développé dans les années 50, mais c'est pas encore non plus complètement courant, surtout à l'international. Et notamment, à un moment donné, Brubeck fait une tournée en Afrique du Sud, où en raison de l'apartheid, le gouvernement ne veut pas qu'il joue avec des musiciens noirs. Il refuse. Donc il y a un côté, entre guillemets, militant de ce point de vue-là. Voilà, il y a le fait de faire voisiner ensemble des musiciens blancs et des musiciens noirs, qui n'est pas encore acquis à l'époque. Et c'est pas encore acquis à l'intérieur même du département d'État. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires du département d'État dans les différents centres culturels américains qui accueillent les musiciens en tournée, qui sont pas du tout contents de voir débarquer des musiciens noirs. À l'Est, si l'antiracisme occupe une place de choix dans les discours, dans la vie quotidienne, c'est plus compliqué. Il y avait un fossé, en fait, entre le discours et la pratique. Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de la RDA, l'Allemagne de l'Est. Alors, le discours, c'était celui de l'internationalisme prolétarien. De ce discours découlait une politique d'accueil à la fois de réfugiés, d'exilés politiques, une politique de valorisation de figures de la résistance ou de figures d'opposition à ces formes de racisme ou de ségrégation. Que, pour avoir travaillé dans les archives des écoles, on voit très bien comment la figure d'Angela Davis est mobilisée dans les années 70. Les petits écoliers est-allemands lui écrivent des lettres, lui envoient des cartes de soutien pour qu'elle continue à résister. Sie halten dich gefangen. Wir werden nicht zulassen, dass die mörderische Klassen- und Rassenjustiz des US-Imperialismus unsere Angela uns entreißt und lebenslänglich in Dachau mohren bringt. Donc ça, c'est le discours. Et puis, il y a la réalité des relations quotidiennes avec une population qui, finalement, se méfie beaucoup des étrangers, qui ne voit pas beaucoup les étrangers. C'est aussi un des paradoxes, c'est que ces étrangers qui sont valorisés dans la communication et dans le discours sont en fait parqués dans des immeubles à l'extrémité ou à la périphérie de la ville. Ils sont regroupés dans des logements et ils sont surveillés par un concierge qui, voilà, sans être membre de la Stasi, fait régulièrement des rapports au moins à minima au commissaire de police du quartier pour signaler d'éventuels mouvements, non-respect de la discipline, sorties nocturnes, relations, enfin, faire entrer des femmes, par exemple, dans les foyers des travailleurs étrangers, et faire entrer des femmes allemandes, c'était évidemment interdit. Il y a donc ce rapport à l'étranger à la fois ultra positif sur le plan du discours et de méfiance, voire de racisme, avec des actes racistes perpétrés contre des travailleurs algériens. On a des exemples de ratonnades dans les années 70 dans une ville comme Erfurt, en Thuringe. Donc ce rapport à l'étranger, il est extrêmement compliqué parce que dans les relations quotidiennes, il est teinté de méfiance, il est teinté parfois de haine, de jalousie, quand certains Cubains ont un certain succès avec des femmes allemandes. On les considère vraiment comme des gens à la marge. Et ça vaut pour les autres démocraties du bloc, et y compris pour l'Union soviétique, où le racisme anti-noir était très fort, hein, notamment au niveau de l'accueil des étudiants noirs dans les universités moscovites. Le fait qu'ils soient, par exemple, privilégiés pour l'accès à certains logements étudiants plus confortables que d'autres, bah, créait des jalousies et pouvait dégénérer parfois en bagarre. Вот спутник появляется в южном полушарии. Проследим за его движением по географической карте. Alors oui, il y a un contexte particulier, parce que la fin des années 50... Ludovic Tournès. C'est aussi un moment où, dans la compétition entre l'URSS et les États-Unis, l'URSS marque des points décisifs. Et en particulier, il y a un événement symboliquement extrêmement important, qui est le lancement du Sputnik en 1957, qui donne une avance décisive dans la conquête spatiale à l'URSS, alors que les États-Unis étaient censés être en avance sur ce point. Et donc c'est une humiliation pour les États-Unis. Et donc les États-Unis vont lancer toute une série d'initiatives pour reprendre l'avantage dans la guerre froide. Alors d'abord ils vont lancer le programme Apollo, très directement du point de vue de la conquête spatiale, mais ils vont lancer aussi toute une série d'autres initiatives pour montrer qu'ils sont toujours là et que la compétition demeure. Et donc dans le domaine culturel, ça se manifeste par d'autres tournées de musiciens de jazz qui sont organisées. Alors en fait, les premières tournées de musiciens de jazz ont commencé en 1955-56, mais à partir de la fin des années 50, ça se multiplie, en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Donc la tournée de Dave Brubeck, elle se déroule dans ce cadre-là. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas perdre l'intérêt de Brubeck dans cette affaire. Pauline Peretz. Alors, il est patriote, ça c'est indéniable, qui a fait la guerre. C'est quelqu'un qui croit en la mission démocratique des États-Unis. Mais c'est quelqu'un aussi qui, comme tous les jazzmen, a besoin de tourner dans un contexte économique qui est pas bon pour les jazzmen aux États-Unis. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé. Et donc, c'est une aubaine, quoi. Et il va de capitale en capitale, hein. C'est aussi bien l'Europe, la Pologne, la Turquie. Il va à Bagdad, il va à Ankara, enfin... Dave Brubeck se produit aussi en Iran, en Inde et en Turquie. D'après l'historienne Penny von Eschen, le secrétaire d'État Alain Delos décide de prolonger la tournée du quartet et annule ses prochaines dates de concert aux États-Unis sans prendre la peine de consulter les musiciens. En Iran, leur concert est sponsorisé par la compagnie iranienne de raffinerie pétrolière et l'USIS, l'agence d'information des États-Unis, autrement dit l'agence de propagande américaine à l'étranger. En Irak, Brubeck est victime d'une sérieuse crise de dysenterie alors qu'une guerre civile se prépare sans que les officiels ne l'en aient tenu informé. Pendant ce temps-là, son saxophoniste, Paul Desmond, épuisé lui aussi par cette tournée sans fin, a décidé de prendre quelques vacances sur les plages libanaises. Un matin, il découvre, pataugeant au milieu des baigneurs, 14 000 marines américains envoyés pour réprimer une menace de guerre civile au Liban et lancer un avertissement au nouveau régime irakien qui menace l'accès aux ressources pétrolières de la région. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces tournées, elles ont un effet non négligeable sur la production musicale de certains des artistes qui les font, et c'est le cas de Dave Brubeck, puisque pendant cette tournée, en Turquie en particulier, il en rapporte Blue Rondo à la Turquie. Ludovic Tournès. C'est un moyen pour lui de prendre contact avec des musiques non occidentales, non européennes, non américaines, et d'enrichir finalement son répertoire musical. Disons, c'est une façon pour Brubeck de combiner deux univers musicaux extrêmement différents. Et c'est pas uniquement quelque chose de cosmétique, parce que par la suite, Brubeck va continuer un petit peu à travailler ses métriques irrégulières dans son travail jazzistique. Alors, il a pris part à la guerre froide en mars 1958 en faisant une tournée à travers la Pologne. Didier Francfort est historien. Il a écrit sur les tournées musicales et la diplomatie pendant la guerre froide. À travers des grandes villes polonaises, hein, à Varsovie, mais aussi Gdansk, mais aussi Wrocław, mais aussi toutes les grandes villes polonaises, suivi par un groupe de jeunes Polonais qui adorent le jazz, suivi peut-être aussi par quelques policiers, hein, sans doute, mais bon, ça, l'histoire ne précise pas leur nom, mais alors qu'on a de noms de jeunes Polonais qui sont élèves de l'école des Beaux-Arts ou qui font du jazz eux-mêmes, qui ont suivi un ou plusieurs concerts de Brubeck en Pologne dans ce mois de mars 1958. Et ça a été pour les autorités polonaises à la fois une inquiétude de voir ce que ça pouvait être et un certain contentement de montrer aux Soviétiques qui parvenaient à établir ce lien privilégié avec les États-Unis. Parce qu'on a du mal à penser en France que, même à l'époque de la guerre froide, la Pologne a, avec les États-Unis, une relation privilégiée qui tient peut-être simplement au fait que l'émigration polonaise aux États-Unis, en particulier à Chicago, joue un rôle important dans la définition de la politique américaine, mais aussi dans la perception qu'on peut avoir de l'Amérique en Pologne, où cet affreux pays impérialiste, ben, il y a quand même des cousins qui y sont, il y a quand même des gens qui ont pu y émigrer. Donc il y a une relation privilégiée qui bloque un petit peu cette logique de bloc, hein, cette logique du camp soviétique, en faisant de la Pologne un des maillons faibles dans la stratégie américaine ou occidentale du bloc soviétique. Willis Conover speaking. This is the Voice of America Jazz Hour. The music of jazz parallels the freedom that we have in America. Something that not every country has. Cette tournée est largement organisée par, du côté américain, cette radio qui s'appelle Voice of America, qui consacre au jazz une part très importante, Louis Armstrong y est passé, et qui représente dans les institutions américaines quelque chose d'un peu original, parce que chargé par le gouvernement américain d'orchestrer la propagande occidentale face au bloc soviétique, The Voice of America a rassemblé des gens qui n'étaient pas les plus ardents maccartistes. Et en 1953, la direction de The Voice of America a eu des ennuis avec le sénateur McCarthy, qui a accusé les rédacteurs de la radio d'être des communistes infiltrés. Donc, c'est un peu paradoxal de penser que la campagne antisoviétique qui peut accompagner ce que le jazz porte avec Dave Brubeck est orchestrée en Amérique par des gens qui sont eux-mêmes, par moments, à tort, hein, on est du côté de McCarthy dans du délire, suspecté d'être des taupes communistes en Amérique. Louis Armstrong, the name which means America to more people than anyone else I can think of over a long period of time. What can you say about Louis except Louis, take it? Well, what you're saying, is it? My man. Voice of America, c'est Ludovic Tournès. La radio du département d'État, qui avait été fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour servir de contre-propagande à la propagande radiophonique des pays de l'Axe, et qui est réactivée en 1945 pour faire de la propagande de l'autre côté du rideau de fer. Voice of America couvre énormément de pays parce qu'elle a plusieurs émetteurs assez puissants qui sont répartis dans plusieurs endroits du monde. Et donc qui lui permettent, ces émetteurs, d'être audibles en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, de l'autre côté du rideau de fer aussi. Donc elle a vraiment une couverture internationale très très forte. Et les émissions de Voice of America sont traduites dans plusieurs dizaines de langues, hein, ce qui leur permet évidemment d'être écoutés par le public des différents pays. Donc c'est un moyen de propagande extrêmement important. Et qui, à ce titre d'ailleurs, fait l'objet de tentatives de brouillage systématique de la part de l'URSS. Hein, brouillage qui est souvent contourné par les États-Unis, qui déplacent les émetteurs ou qui parviennent, par divers autres moyens, à contourner le brouillage russe. Yeah, I remember when Diz was in Greece, back in 57. He did such a good job, we started sending jazz all over the world. The State Department has discovered jazz. It reaches folks like nothing ever has. Like when they feel that jazzy rhythm, they know we're really with them. That's what we call cultural exchange. Aucune marchandise n'est tout à fait aussi étrange que cette chose appelée échange culturel. C'est ce que clame une des chansons phares de la comédie musicale, The Real Ambassadors, les véritables ambassadeurs, en 1962. Une comédie musicale pour laquelle les Brubeck et Louis Armstrong se sont associés, et une partition qui revient avec beaucoup d'ironie sur leur expérience des tours organisés par le département d'État et leur fonction temporaire d'ambassadeur du soft power américain de guerre froide. On n'oublie pas pour autant l'ennemi, le vrai, comme on peut l'entendre ici. Remember who you are and what you represent. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous représentez. Jelly Roll et Basie nous ont aidés à inventer une arme comme aucune autre nation n'en possède. Surtout, n'oubliez pas que ce ne sont pas les Russes qui ont inventé le jazz. Remember who you are and what you represent. Represent. Si la politique intérieure et les méthodes sont critiquées, la guerre en cours reste le point de mire de l'implication des artistes et le jazz fait décidément une excellente arme de combat. L'idée de soft power, ça serait, d'après Joseph Nye, le théoricien qui a utilisé ce terme pour la première fois, Didier Francfort, une puissance qui n'est pas seulement politique, qui n'est pas seulement militaire, qui n'est pas seulement économique, mais qui parvient à une forme d'hégémonie culturelle, idéologique. Et on présente assez souvent la guerre froide comme étant non seulement un affrontement le plus souvent indirect de deux grandes puissances, mais comme l'affrontement aussi de deux systèmes politiques, de deux modes de vie, de deux modèles politiques et sociaux et culturels. Or, je crois que ce terme de soft power, qui aurait expliqué la victoire du côté occidental face à l'autre côté, ne correspond pas à un affrontement, j'allais dire, à armes égales. L'idée qu'il puisse y avoir un soft power soviétique, c'est un peu problématique, parce que, bien évidemment, sur le thème de la défense de la paix, de l'opposition à l'impérialisme, de l'opposition à la guerre du Vietnam, le bloc soviétique peut exercer une certaine influence sur la société du bloc adverse, autant pour ce qui est du modèle de société, du mode de vie et parfois des pratiques culturelles, il n'y a pas du tout d'équivalent de ce que peut être le soft power américain. Ça pose pas mal de questions sur ce qu'est une hégémonie culturelle. C'était La guerre froide dans nos têtes, épisode 3, avec Pauline Peretz, Emmanuel Droit, Didier Francfort et Ludovic Tournès. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie, une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.